RFP, RFP 3, 4, 7. Ça va faire mal, Aïe aïe aïe. Attention ta bouche, mon frère. Attention. Ça donne une pièce, je suis en face d'un mur de désir. Je me suis rendu compte des dégâts dus au moment mal placé. Ne mange pas trop sinon ton corps pourra plus sourire. C'est sûr de mal-être que de pas contrôler le sens déplacé. Normalement on est censé s'embrasser, rester joyeux. Ces notions sont inconnues, certains sont ennuyeux. Des remarques blessantes succèdent, un malaise qui submerge. J'étais même agressif vu qu'on me répète ce que je veux pas. Comme un coup de massue, je veux qu'il neige avant un siège. Comme ça j'aurai plus de temps pour répondre à tout ça. Des moments qui me pourrissent l'existence, mes relations. J'ai quelqu'un qui parle sans se soucier des agressions. Il fait un instant où j'avais plus un ami à mes côtés. Mais normal, si vous savez que je tiens pas ma langue, ça chauffe et autour les Russes vivent à mon arrivée. Pourquoi faut-il des conséquences pour que je change? Auprès des actes qui réfléchissent, je me plains des faits étranges. S'il faut que j'avance, je dois devenir sociable. Les gens doivent vivre sans veto et je dois être respectable. Attention ta bouche, ne raconte pas n'importe quoi. Attention ta bouche, sinon tu regretteras de vivre. Voir. En ces jours, il suffit d'un peu pour faire tomber le ciel. Je m'inquiète des attitudes qui morcellent notre peau d'étincelle. On sait tous qu'être entouré est important pour s'épanouir. Ça fait si mal quand tout se déchire, l'envie de rire. Ce qui peut arriver, ça raconte n'importe quoi. En famille, en public, les mots sont sensibles, je crois. L'ambiance est tendue, si on passe par ce qu'on dit, je préfère être attentif un temps de moment dans mes envies. Revoir tous ces liens volés par les prises de tête, les regrets, la bonne foi se perd aux oubliettes. Par manque d'attention, tout dérape sous nos yeux. Pour ma part, tout ici bas, on voudrait pas laisser le feu. Quoi faire quand on croit que dire pardon est une faiblesse? Qu'avouer son opinion d'arranger nous rabaisse. À ceux qui parlent ainsi, je dis ainsi le carnage. Les choses avancent, pourquoi vous en deux pages? La complexité, votre union sur ces feuilles. Ne gâchez rien, faites chaque aucun pas. Une merveille, les malentendus peuvent s'effacer devant l'honnêteté. Les gens qui s'aiment surmontent un obstacle. Et des paroles incomprises sont irréplaçables aux discussions. Chaque exprime fait un effort, comprenne les intentions. Elles sont prétentions, apprendre à vivre, à finir sous la pression. Tabou, comme pas n'importe quoi. Attention ta bouche, sinon tu regretteras de vive voix. Elle refait en direct. Ma ville, c'est. Bientôt un nouveau titre. Titre. Tout le monde veut prendre ma place. Ma place. Personne ne remplace. Elle refait. Ça vient du 3-4, ma gueule.